Julien Bala. C'est l'eau Bams. Le grand irakien Saddam Hussein. Melonga na e osala na ngama solingie. Malila yonde likonzi anzoto nanga. O tena yele kiki lomete. Certainement, oui, je sais. Eko zala yome. Abaye batonda nzimbu. Baye bazala kanespi. Oya koso malila na mongo. Baye kuli benge toboka. Salon Belly Miss. Je vois la nouvelle.